Bonjour et bienvenue à bord. Nous vous informons que la Machina vient d'envahir votre planète. L'attaque est imminente. Veuillez attacher vos ceintures et tenez-vous prêts à l'offensive. Projection des rafales de bombes nucléaires. Lancement des contrastes. Double ration de carasse. Tapez dans vos mains. Kaisar is here.